Bonsoir à toutes et tous, c'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel, Radio Libre, 106.3 FM. On est aussi rediffusé tous les vendredis matins de 19h à 8h tous les vendredis matins de 7h à 8h30 du matin. Et vous pouvez réécouter toutes nos anciennes émissions sur notre site internet qui s'appelle aufondprèsduradiateur.fr. Voilà, donc merci à tous et toutes d'être à l'écoute comme tous les mardis soirs. Ce soir, on a une émission très chargée. On est ensemble jusqu'à 20h30, donc au fond près du radiateur. C'est une émission qui parle des luttes sociales. Ce soir, le thème, ça va être un peu les luttes de chômeurs et précaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose tout d'abord un reportage de 20 minutes qui a été fait mercredi dernier. Donc, il y avait une grève à McDonald's, donc notamment au McDo de Gare du Nord et de Gare de l'Est. Donc, les deux McDo étaient bloqués. Il y avait des salariés des terres qui ont fait une manif entre les deux. Donc, on vous propose d'écouter directement la parole des gens qui étaient en grève. Ce sera la première partie de cette émission. En deuxième partie de cette émission, on va parler des luttes des comités de chômeurs en France et en Tunisie. Donc, notamment, on voulait parler de ce qui s'était passé autour de la ville de Kasserine en Tunisie, et notamment au mois de janvier et février. Et en France, on voudra parler aussi des luttes contre la réforme de l'assurance chômage et aussi des différentes activités de plusieurs comités de chômeurs. Donc, le lien avec le mouvement contre la loi El Khomri, la loi travail, donc comment les précaires et les chômeurs peuvent s'inscrire dans ce mouvement. Voilà, puis en dernière partie d'émission, on parlera d'une initiative qui aura lieu le soir de la grève générale qui aura lieu jeudi prochain. Donc le 31 mars 2016, après la manifestation, on rentre pas chez nous, on occupe une place. Donc ça, c'est la nuit debout. On parlera de ça en fin d'émission. Et donc voilà, sans tarder, on vous propose d'attaquer le reportage sur la grève à McDonald's. Donc la parole aux travailleurs. Bonne écoute, c'est FPP 106.3 FM. Faut partager le magot. Magot. Faut partager le magot. Faut partager le magot. Faut partager le magot. Ah, ça fait longtemps que je suis là, ça fait bientôt 10 ans. Hein. 10 ans, ouais. Je suis hôtesse. Hein, d'accord. Okay. Moi, je suis d'accord pour une augmentation de salaire. Parce c'est que sûr. Le travail qu'on fait, la rémunération, c'est peu. Vous, par exemple, vous faites combien d'heures? Vous touchez combien? Vous travaillez au McDonald's de Gare du Nord? Ça dépend, tout le monde ne touche pas le même salaire. Hein. Ouais. Donc, moi, je suis hôtesse, c'est dans les 700 quelque chose hein, par mois. D'accord. Donc je trouve peu de ce que je fais, l'effort que je fais. 700 euros par mois comme ça? Plus les primes, c'est dans les 800 euros, hein. Les primes de participation. Ouais. Et comment on fait pour vivre comme ça là? Voilà, c'est pas facile, hein, ouais. Parce qu'on a des factures, on a plein de choses à payer, donc c'est peu. Il vous reste combien à la fin du mois après? Pas beaucoup, hein, au moins un petit 100 euros. Ah ouais? Ouais, ça dépend. Okay. Ouais. Et ici, là, c'est beaucoup suivi la grève. Vous êtes combien de salariés? Il y a combien de grévistes? Une dizaine, hein, je crois. Une dizaine. Ouais, parce que j'ai pas vu tout le monde. D'accord. Mais tout le monde en a marre quand même. D'accord. Et vous avez des liens avec les autres McDo? Comment ça se passe un peu la lutte et tout? Oui, comme le McDo Gare de l'Est, c'est la même chose. Hein. Ouais. On veut tous une augmentation de salaire. C'est tout. D'accord. On se soutient. D'accord. Et vous, votre patron ici, il est devenu millionnaire assez rapidement, non, avec votre travail et tout? Ah ouais, parce que le chiffre d'affaires qu'on fait ici, 2000 euros par 2 heures, ça dépend quand il y a du monde. Il y en a beaucoup. Hein. En plus, il y a d'autres magots, mais ici, ça rapporte beaucoup. Ouais, il est bien situé et tout. Il est juste en face de la gare. De la gare, voilà, exactement. Nous voilà rassemblés. Nous voilà rassemblés ensemble. Vous voyez bien à quoi rime le dialogue social. Ils ont carrément décidé de fermer le McDo pour ne pas discuter avec nous. Nous voilà donc rassemblés pour casser la routine du travail à la chaîne que nous subissons quotidien. Nous sommes là pour montrer à tout le monde que si les rushs se suivent et se ressemblent, ce n'est pas une fatalité. Il n'est plus possible aujourd'hui de tolérer une politique sociale sans saveur à notre égard. Une politique sociale qui dérive en politique fiscale controversée. Tous les jours ici, McDo nous assaisonne à coups de salaire à temps partiel, des temps partiels imposés, rémunérés sur la base du SMIC, à coup d'horaires planifiés et imposés sur la nuit, sur le dimanche, sans majoration bien évidemment. Mais encore, McDonald's utilise des techniques de maximisation sauvage de profit qui des techniques de maximisation sauvage des profits qui sont en réalité une autre façon pour une multinationale d'appauvrir ses travailleurs. S'accaparer toutes les aides de l'État pour mieux l'appauvrir. Le CICE, la baisse de la TVA, les aides sur les bas salaires, les emplois jeunes, etc. etc. On ne va pas en faire tout l'inventaire. Et au même moment, organiser la fuite de tous ces profits vers des paradis fiscaux. Nos bénéfices, bande de voleurs, ils sont où ? La fuite des bénéfices vers les paradis fiscaux pour ne pas payer l'impôt sur les sociétés, pour ne pas nous payer à nous, salariés, la prime de participation sur les bénéfices qui nous échappent depuis toujours. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, d'un point de vue purement comptable, McDonald's ne dégage peu ou pas de bénéfices. Ça a été médiatisé il y a quelques semaines, il y a une action qui a été déclenchée pour contrer ces stratégies fiscales. Donc une action a été déclenchée il y a quelques mois pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Car ces pratiques fiscales, chaque jour, ne font que dégrader notre condition de travailleurs. Donc face à tous ces abus, face au M du mépris social qui nous empoisonne au quotidien, eh bien nous lui opposons le M de la mobilisation, le M du mouvement collectif pour obtenir tous les droits que nous devons avoir, un salaire de base de 13 euros de l'heure, un 13e mois pour tout le monde, des primes, des congés étudiants, un comité d'entreprise, tout ce qui nous revient de fait par rapport à la richesse que nous créons chaque jour et cette richesse qui n'est jamais partagée. Par la lutte, nos camarades américains, il y a quelques mois, ont réussi à augmenter leur salaire. Ils sont passés d'un salaire de 7 dollars à 15 dollars de l'heure. Donc suivant leur exemple, par la lutte, nous aussi, puisque le dialogue social chez McDo, soit il n'existe pas, soit il rime avec discrimination syndicale, donc ça sera nous aussi, par la lutte, que nous allons leur donner la nausée, qu'on va leur faire cracher le morceau, à notre tour de leur faire cracher leurs bénéfices, à notre tour de les mettre sur le grill. Mais ils sont où nos bénéfices? Faut partager, Mago! Mago! Faut partager, Mago! Avec tes salariés, égoïste que tu es! On va donner la parole maintenant à une salariée du restaurant qui pourra vous témoigner. Voilà, ex-salarié malheureusement. Bonjour à tous. Alors moi c'est Lisa, je me présente vite fait. Je suis italienne, je vais bientôt avoir 25 ans. Et la ville de Paris et cet restaurant, ils m'ont accueilli il y a maintenant 2 ans et demi. Voilà, je suis ici en soutien de mes collègues, même si je suis plus salariée. Maintenant je suis assistante d'éducation dans un collège à Clichy-sous-Bois, du coup voilà. Et je suis en soutien de mes collègues parce que ils sont toujours là et c'est vrai qu'ils travaillent comme jamais et les bénéfices ils sont toujours loin, trop loin. Voilà, on va dire un discours ensemble. Alors, j'ai travaillé dans ces restaurants depuis longtemps. Les clients, on les voit tous les jours plus nombreux, mais les bénéfices, on les voit jamais. Nous voyons simplement chaque mois un salaire misérable, un bas de la fiche de paye. Nous n'avons pas de prime de participation, pas des 13e mois pour tous. Même pas un merci de franchisé que nous ne voyons jamais. Personne ne le connaît. On sait juste qu'il est devenu millionnaire grâce à notre travail, le travail de tout le monde. On sait qu'il a une affection particulière pour le CDD. Les personnes se donnent à fond et juste avant la fin de leur contrat, on leur dit qu'ils ne seront pas renouvelés. Une affection particulière pour le recrutement bien choisi aussi. Les travailleurs les plus influençables et qui vont dans le sens qu'on leur suggère sont toujours gardés. Au vu des conditions de travail dans lesquelles nous exerçons notre métier, nous pensons que nous valons mieux. Les robots ont remplacé les humains, dans notre restaurant. Mais nous devons aller toujours plus vite pour servir les clients, quelles que soient les conditions. Même si ces conditions nous impliquent de mettre en danger notre intégrité physique, la sécurité est un problème ignoré par la direction. Surtout dans cet restaurant-là, je me permets de dire, car de Nord, c'est pas facile. Donc oui, la lutte a un sens et nous devons continuer à lutter parce que nous valons mieux que ça. Merci. On va donner la parole à des étudiants qui ont tenu à faire le déplacement, des étudiants de Paris 8. Ouais, bonjour, on est étudiants à Paris 8 effectivement et on est venu communiquer notre soutien. On est actuellement mobilisés, on fait des assemblées générales à plus de 800 personnes à Paris 8. Mais on fait aussi des cortèges à plus de 70 000 personnes, 100 000 personnes. Jeudi dernier, mercredi dernier, il y en a un qui arrive jeudi, demain. Et donc on est également mobilisés contre le travail et ça rejoint votre lutte, la lutte des salariés de McDonald's. Parce que en se mobilisant contre le travail, on se mobilise contre la précarisation du travail, on se mobilise contre les difficultés imposées aux salariés au niveau des horaires, la sécabilité du temps de repos par exemple, et aussi les difficultés de faire face à l'entreprise, faire face aux décisions du patronat avec les attaques par rapport aux procédures prud'homales, des choses comme ça. Nous, on vient dire qu'on est mobilisé à vos côtés, qu'on vous soutient contre la précarisation et dans la lutte contre voilà, convergence des luttes, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Moi je suis à Paris 8, je suis étudiante et professeure mobilisée à Paris 8 et je voudrais juste faire un lien entre notre lutte contre la loi du travail et vos luttes à vous, parce que par exemple avec le nouveau code du travail, il y aura un paiement des heures supplémentaires comme des heures complémentaires et je sais qu'à McDo c'est déjà le cas. En fait il y a beaucoup d'heures supplémentaires à McDonald's qui sont payées comme des heures complémentaires. Il y a l'énorme précarité aussi à McDo et je pense que les revendications, il faut qu'elles soient sur l'augmentation de salaire mais aussi sur la réorganisation du travail, parce qu'à McDonald's c'est un des lieux de travail où il y a une productivité horaire, une des plus importantes, c'est-à-dire qu'ils augmentent la productivité en permanence, ils font travailler les salariés de plus en plus vite et de plus en plus longtemps sans les payer vraiment en heures supplémentaires. Et c'est là où il faut vraiment qu'on se mette en lien contre la loi du travail et pour des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires à McDo. Et bon courage et la lutte continue. Merci. Employé McDo et je vous soutiens à 100% dans votre démarche. Par exemple, le cas le plus pertinent, ça va être à Marseille, sur la Canebière. On va, ou même sur le Vieux-Port, on va avoir trois McDonald's. Il y en a un qui va avoir le 13e mois, il y en a un qui ne va pas l'avoir, celui d'après va l'avoir. D'accord. Parce que chaque franchisé, comment ça se fait ? En fait, un franchisé peut avoir entre 1 et 10 restaurants. D'accord. Et sur 10 restaurants, il peut faire 10 entités juridiques de moins de 50 salariés et dispatcher, d'accord, en fait. Ce qui lui permet de ne pas avoir de CE, de ne pas avoir de droit syndical, de ne pas avoir de CHSCT, par exemple. D'accord, parce que le CE, le conseil d'entreprise, c'est à partir de 50 salariés dans l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Et donc un patron, il peut avoir 200 salariés, mais il les divise en plusieurs restaurants, c'est ça, comme ça. C'est exactement ce qu'ils font, ce qui leur permet en fait de ne pas jamais passer le seuil social qui leur coûte entre guillemets soi-disant et qui les oblige à avoir justement prime d'intéressement, CE, CHSCT, etc. Et justement à Marseille, ils ont réussi à se mobiliser et il y a 7 restaurants qui sont rentrés dans une même unité économique et sociale qui leur permet d'avoir ce 13e mois, qui leur permet d'avoir les participations aux bénéfices, alors que celui d'à côté ne l'a pas. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup toi t'es à Rouen? Oui. comment ça se passe là-bas, le travail un peu, la lutte? Bah, en fait, nous, on est dans la banlieue de Rouen et on a réussi en mobilisant... C'est quoi la ville? Elle est à Elbeuf. Elbeuf. Oui, et on a réussi à mobiliser et à obtenir justement nous le 13e mois, alors qu'on est un seul petit restaurant, à obtenir des congés enfants malades, à obtenir des augmentations de contrats. On a vraiment eu... on est un des McDo les mieux, entre guillemets, socialement de France, parce qu'on a réussi à faire une grosse lutte syndicale. Et maintenant, on essaye de la propager un maximum sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a un Facebook, Vos droits chez McDo. Comment ça s'appelle? Vos droits chez McDo. D'accord. On essaye de diffuser un maximum les informations pour aider tous les salariés de France. D'accord. Et tu peux raconter un peu comment ça a commencé, l'histoire de cette lutte un peu, comment vous avez réussi à créer un mouvement collectif comme ça? Alors en fait, je suis personnellement monté responsable et très vite, j'ai pas du tout apprécié la manière dont on poussait la division, l'équipe de direction et les salariés. Donc je suis passé délégué du personnel. Comment ça se passe là? Comment ils divisent les gens comme ça? Bah en fait, ils essayent généralement de tuer les fortes têtes, hein, de les licencier, de les pousser dehors. Nous, on a résisté. On a très vite réussi à mobiliser une bonne équipe parce qu'il y avait une très bonne ambiance dans notre restaurant. Et sur 50 salariés, on a réussi à syndiquer 20 personnes. Et de fil en aiguille, on a réussi à vraiment prendre en assurance, prendre en formation et du coup à faire des gros mouvements dans le restaurant, avec blocage, etc. Et du coup, le collectif Vos droits chez McDo, ça permet de regrouper aussi des non-syndiqués, comment ça se passe? En fait, on est ouvert à tout le monde, syndiqué, non-syndiqué, partisan de la CGT, pas partisan de la CGT, peu importe, tout le monde est ouvert. Et on essaie de convaincre, hein, bien entendu, pour essayer de syndiquer. Mais il n'y a pas besoin de se syndiquer pour faire bouger les choses. Comme on dit, c'est les bonhommes qui font les choses, hein, et les femmes qui font les choses. C'est pas que l'étiquette syndicale. Donc il faut juste un peu de conviction, un peu de courage et surtout avoir envie de faire bouger les choses. J'avais envie de te poser une question sur Elbeuf, comment ça se passe au niveau du chômage et tout ça, c'est quoi l'ambiance vers là-bas et tout? Bah, chez nous c'est très compliqué, on est vraiment une zone très sinistrée avec des industries qui ont toutes fermé les unes après les autres. Heureusement on a encore une usine comme Renault-Cléon qui fait tourner un peu la région locale, mais globalement c'est assez sinistré avec un taux de chômage qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Ouais, parce qu'aujourd'hui tu vois avec la loi travail et tout, ils disent si on flexibilise, si on casse les CDI, si on fait des contrats de plus en plus précaires comme ça, où ils appellent ça la flexibilité, soi-disant ça réduirait le chômage. Et t'en penses quoi de ça, quoi? Bah, aujourd'hui, il suffit juste de regarder que le pacte de responsabilité, que la loi Macron, que toutes les lois qui ont été là pour le CICE aussi, qui ont soi-disant généré 1 million d'emplois, comme l'a dit le MEDEF à chaque fois. Qu'est-ce que ça crée? Rien. Et on continue pourtant à faire confiance aux belles paroles du patronat, comme quoi ils vont créer des emplois. En vérité, ils vont rien créer du tout. Ils vont juste obtenir ce qu'ils veulent depuis toujours, parce que, en vérité, nous, on a la conviction que le chômage, ça les arrange. Ça leur permet de flexibiliser le marché du travail. Ça leur permet de faire en sorte que les gens revendiquent rien parce qu'ils ont peur. Et ils veulent pas que ça change, parce que comme ça, ils peuvent faire passer toutes les lois qu'ils veulent et obtenir toutes les choses qu'ils n'ont même pas imaginé pouvoir obtenir depuis des longues années, et pourtant c'est un gouvernement socialiste qui leur a fourni, quoi. Ouais. C'est ça, ils veulent diviser un maximum les enseignes pour que chacun soi-disant négocie d'égal à égal avec son patron, mais un salarié sera jamais d'égal à son patron parce que son patron peut le virer, mais le salarié peut pas virer son patron. Ouais. Et en réalité vous avez un peu la loi travail avant la loi travail, quoi, parce qu'avec le système de franchise, il y a des conditions de travail différentes dans chaque McDonald's. Comme tu viens de le dire, McDo c'est souvent, enfin la restauration rapide en général, hein, pas que McDo, c'est souvent le laboratoire de la précarité. Donc on teste tout ce qui peut marcher, par exemple bah, les majorations du dimanche, ça n'a jamais existé dans la restauration rapide. Le dimanche on est payé au SMIC horaire, bah, si McDo a pu le faire et que les salariés n'ont rien dit, bah, on va l'essayer dans d'autres branches du commerce. Et souvent oui, on est le laboratoire de la misère sociale. Ouais, bonjour, c'est Benoît, c'est ça? C'est ça, c'est Benoît. Ouais, tu travailles à McDo? Ouais, je suis équipier polyvalent au McDo de Passy. Et du coup, toi, t'as été licencié à cause de ton activité syndicale. Ouais, et c'est ça, t'as réussi à obtenir ta réintégration. Ouais, j'ai été licencié en mai 2014, 6 mois après avoir été embauché. Et puis donc on a fait un procès avec le syndicat, on a fait un procès à McDo pour discrimination syndicale, ouais, qu'on a gagné, et j'ai été réintégré du coup en septembre dernier. D'accord. Voilà. Et pourquoi ils t'ont licencié? Le motif qu'ils ont invoqué, ouais, tu veux dire? Comment ça s'est passé et tout? Bah, ils ont invoqué un retard. Ils ont trouvé un seul retard et ils m'ont licencié pour ça. Okay. Et donc voilà, donc c'était un peu gros, donc forcément c'est pas bien passé devant les tribunaux, quoi. Okay. D'accord. Et en réalité c'est... En réalité c'était suite à mon engagement syndical. J'ai fait une journée de grève, ensuite j'ai fait une demande de congé de formation syndicale, et puis ensuite j'ai défendu une collègue qu'ils essayaient de forcer à démissionner. Donc ça leur a pas trop plu et donc ils vont jarter dès qu'ils ont pu, quoi. Et maintenant, comment ça se passe avec ton équipe et tout ça? Ah bah ça les a un peu calmés, hein. Du coup ils ont un peu calmé leur énervement anti-cégétiste primaire. Ouais. Alors bon, ils ont toujours quelques sbires lèche-botte des patrons qui pensent qu'ils vont devenir PDG de McDo en crachant sur la CGT qui continue à faire le sale boulot pour eux. Mais bon, ça reste minoritaire et globalement, les salariés savent qu'on est là pour les défendre. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui. D'accord. Je sais pas comment dire, il y a un truc un peu dans la restauration, c'est vrai que, enfin en tout cas dans les restaurants, tu vois les gens ils taffent comme des oufs pour mettre de l'argent de côté et puis ils ont un peu l'impression qu'ils vont monter en échelon comme ça, soit ouvrir leur affaire ou des trucs comme ça. Et du coup peut-être c'est un peu dur l'engagement syndical. Ouais bah c'est-à-dire qu'effectivement c'est difficile de syndiquer dans la mesure où les gens souvent sont pas là pour longtemps déjà. Ouais. Faut savoir que 80% de l'effectif en gros reste moins d'un an chez McDo. Okay. Donc à partir de là c'est sûr que bah, les gens qui savent qu'ils restent pas un an... Ils vont pas se syndiquer, ils sont pas dans une optique de travail sur le long terme, donc voilà, c'est compliqué. Après, et puis bah, en général, les gens qui restent, ils sont dans l'optique de monter, et ils savent bien que s'ils veulent monter en étant à la CGT, c'est compliqué, quoi. Donc c'est difficile, mais malgré tout ça, on arrive quand même à avoir des gens qui se syndiquent, et je trouve que quand même, on a pas mal de monde qui est avec nous, quoi, par rapport aux difficultés qu'on a. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui hésitent à syndiquer parce qu'ils ont peur justement d'avoir, ou qui hésitent à faire grève parce qu'ils ont peur d'avoir de la répression ensuite, par exemple de ne pas avoir d'avance ou de ne pas avoir d'augmentation, de subir des pressions, des choses comme ça, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Tout ce que j'ai à dire, c'est que de toute façon, on se fait baiser. À la fin, on se fait baiser, donc la question, c'est de savoir si vous voulez rester digne ou pas, si vous voulez vous battre ou pas pour essayer d'avoir plus que ce que vous avez, ou bien si vous voulez continuer à subir. C'est un choix à faire, c'est tout. Et puis ça, je sais pas comment dire, ça te protège aussi un peu la lutte d'être dans un collectif comme ça, plutôt que d'être de faire des arrangements individuels. Ah bah c'est sûr, on est plus fort ensemble, et plus on est, plus on sera fort. Donc après, les gens, il y en a qui pensent qu'ils peuvent négocier des trucs tout seuls, machin, mais de toute façon, ça marche jamais, ça. Ou alors, avec des concessions qui sont pires que tout, quoi. Les temps partiels, Magdo, les impôts fiscaux, y'en a marre, les actionnaires, y'en a marre, les trahisons au condo, Magdo, y'en a marre, Magdo, y'en a marre, Magdo. Voilà, c'est l'émission Au fond près du radiateur. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vient d'écouter un reportage qui a été enregistré mercredi dernier au McDonald's de Gare du Nord et de Gare de l'Est. Donc c'était une grève des salariés. Et vous pouvez retrouver notamment tous les collectifs de salariés sur Facebook. Donc vous avez Vos droits chez McDo, qui est une source d'information sur les droits chez McDo, pour dire simplement, et qui est plutôt fait par les salariés de Rouen. Et vous avez aussi Indigné de McDo, qui est plutôt... Le mouvement actuel qui a mené la grève mercredi dernier. Donc voilà, tout de suite on va passer au deuxième sujet de cette émission. Donc ce soir en fait on a parlé déjà plusieurs fois dans les dernières émissions de la loi El Khomri, de la loi travail. Et donc il y a une grosse journée de grève, ça sera le 31 mars jeudi prochain, avec notamment une manifestation à partir de 13h30 il me semble, place d'Italie. Donc voilà, journée de grève interprofessionnelle qu'on espère sera très suivie. Et aujourd'hui, on avait eu envie de parler en fait de cette problématique-là et au-delà du point de vue des chômeurs et des précaires. Donc c'est pour ça que ce soir, on accueille plusieurs membres de comité de chômeurs. Donc on a Marc de AC, Agir contre le chômage. Salut. Salut. Donc on a Pierre de la CGT chômeurs et rebelles. Salut. Salut, travailleurs précaires et privés d'emploi. Travailleurs précaires et privés d'emploi. Et rebelles, bien sûr. Et rebelles. Et on a Dominique de la CIP, donc qui a la coordination des intermittents et précaires. Salut, Dominique. Salut, intermittents et précaires, Île-de-France. Île-de-France. Et on accueille aussi Wael, donc, qui fait partie de l'association Psy Solidaire et qui va nous parler du mouvement de chômeurs aussi. On avait voulu un peu décentrer le regard pour nous permettre d'avoir des nouvelles idées et donc parler du mouvement de chômeurs en Tunisie, notamment autour de la ville de Kasserine. Donc salut Wael. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et en dernière partie d'émission, on parlera avec Tristan donc, de l'initiative que vous organisez le soir du 31 mars. Donc le 31 mars, jour de grève générale, on ne rentre pas chez nous ensuite. Voilà, à 18h, à partir de 18h, c'est la nuit debout. Donc on va occuper la place de la République avec diverses animations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc merci à tous d'être là ce soir. Et donc pour commencer, pour introduire ce débat, je voulais, comme je disais, poser la question un peu, la loi El Khomri. Donc c'est la précarisation massive du monde du travail. Mais cette précarité, elle était déjà là en quelque sorte. Et donc peut-être Pierre ou Dominique, si vous voulez nous parler un peu en premier, ou Marc, comme vous voulez, de vos combats actuels et de l'actualité des moments de chômeurs. Je crois, Pierre, tu voulais peut-être parler en premier. Pas spécialement. CGT, privé d'emploi, chômeur rebelle, c'est ça? Voilà. Ouais. CGT, travailleur privé d'emploi et précaire et rebelle. Okay. Oui, moi je voulais faire, mais je pense que Dominique va parler de la négociation UNEDIC. Je pense que c'est lié, parce que le MEDEF repousse les négos, et donc on pense qu'il voudrait bien que la loi passe avant pour pouvoir mettre la pression sur l'affaiblissement de l'UNEDIC. Bon, il développera, j'imagine. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'évidemment, on en a déjà parlé, c'est que cette loi, elle supprime tout plancher, c'est-à-dire que diminuant les salaires ici, diminuant les impôts, diminuant les cotisations, on affaiblit évidemment la population et on la rend dans la misère, la pauvreté. Et on renforce la riche et le pouvoir du MEDEF, et du patronat et des spéculateurs. Cela étant dit, pour présenter la chose, et ça, c'est pas seulement en France, c'est aussi en Europe et même à l'international. Moi, ce que je voudrais souligner, bon, on l'a dit, hein, la suppression de toute norme et de toute loi, ça veut dire qu'il va y avoir non pas une simplification, mais une complexification des règlements qui vont se multiplier pour chaque accord d'entreprise ou de branche. Les menaces sont effectivement très grandes et les dégâts sont déjà bien amorcés sur la précarité. Je rappelle que les CEI, les aides, les contrats d'avenir, les services civiques qui se développent sont déjà des jobs mal rémunérés qui visent en particulier les jeunes, et ça me paraît important qu'ils réagissent là-dessus, et ça va s'aggraver parce qu'on a d'autres, il y a d'autres menaces qu'il faudrait peut-être parler, qui sont en cours d'expérimentation. Je voudrais parler, moi, du forfait jour, parce que justement, ça va faire le lien peut-être avec l'UNEDIC, c'est que le forfait jour... Donc c'était une partie de la loi El Khomri. Ouais. Oui, c'est un détail, on ne va pas parler de tous, mais je voudrais souligner celui-là. Non seulement il va permettre de annualiser, c'est-à-dire que vous serez soumis au desiderata sur les horaires, parce qu'un forfait, ça peut aller jusqu'à 12 heures, et la loi prévoit même peut-être plus. Mais ça veut dire aussi pas d'heures supplémentaires, 25%. La loi prévoit des accords qui pourrait les baisser à 10%. Bon, des détails sur détails, c'est catastrophique. Il y a un détail qui n'a jamais été dit dans tous les textes, que ce soit des textes de chez nous ou d'ailleurs, ou de CQFD qui a fait un gros travail avec Copernic là-dessus. C'est un journal indépendant de CQFD, c'est ça ? Oui, oui, ouais. Qui regroupe des organisations, justement, toutes les organisations militantes sur ces terrains. Et donc, je voudrais souligner le problème, c'est que quand vous êtes au forfait jour, donc vous n'avez pas le nombre d'horaires, que vous en fassiez 10 ou 12. En général, c'est quand il faut un forfait vous, c'est pour vous en coller 12, hein, bien sûr, forcément. Si c'est pour faire 2 heures, ils ne vont pas vous foutre un forfait. Et donc, le problème, c'est que quand vous êtes... c'est souvent des contrats courts. Dans les contrats courts, vous allez vous retrouver donc au chômage. Et à ce moment-là, donc privé d'emploi, ça veut dire que vous serez donc dépendant de l'ARE ou des autres aides. Or, dans les règlements depuis les années 2000 qui a été posé les forfaits pour les cadres et pour les associations, et moi je l'ai vécu et je l'ai souffert, c'est que les ACEDIC comptent que 5 heures. Ça veut dire que si vous faites 12 heures, par exemple, à 70 euros, 12 heures, donc hors sup, mais en plus aux ACEDIC qui comptent que 5 heures, ça veut dire que pour le calcul de la réouverture des droits, vous êtes perdant. C'est une double peine. Et ça, il faut le souligner. C'est qu'on est baisé au niveau du salaire, on est baisé au niveau de l'emploi du temps qu'on ne peut plus gérer, puisqu'on ne sait pas quand on sort, et on se fait encore avoir au niveau des ACEDIC et de l'ouverture des droits. Ça, c'est important. Un dernier détail sur la précarité, parce que je crois que le temps est court, je voudrais souligner que se développent donc ces petits emplois, mais des dangers se présente. En Alsace, ils parlent de faire du bénévolat obligatoire et il y a une expérimentation sur les contrats dits zéro chômeur de longue durée. Alors là, c'est une escroquerie à triple titre. Hein. D'abord, c'est un détournement des fonds, puisque ce sont quand vous êtes au RSA ou à l'ASS ou à l'ARE et qu'on vous fait travailler soi-disant bénévolement, je veux dire, c'est un détournement de fonds puisqu'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus... Hein. C'est affaiblir les services publics parce qu'on verra que dans les expérimentations sur la loi zéro chômeur, on a fait notre enquête et que c'est des gens qui sont là pour faire un travail de cantonnier. Obligatoire. En plus, ce n'est pas des CDI parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas suffisant. Donc, c'est des contrats qui sont avec des heures courtes par semaine. Et en plus, c'est illégal donc pour détournement de fonds. C'est une expérimentation. La loi n'est pas encore votée. Elle est en cours de préparation. Donc, est-ce qu'on peut faire des expérimentations qui sont des délits alors que la loi elle-même n'est pas votée ? Ça pose un problème. Et le troisième problème, c'est que l'Angleterre a fait la même chose. Elle s'est fait retoquer par l'OIT, hein, le Bureau international du travail, parce que justement, c'est de l'esclavage et c'est un détournement de fonds. Donc, il y a trois délits, détournement de fonds, une expérimentation qui n'est pas validée par la loi, ça pose un problème constitutionnel. Et le troisième, c'est que c'est de l'esclavage déguisé. C'est-à-dire qu'on veut faire travailler les chômeurs gratuitement, quoi. En utilisant, un détail important, en utilisant la rémunération qu'ils ont, soit sous la forme d'ARE, soit sous la forme d'ASS, soit sous la forme du RSA. Et le RSA est une belle saloperie parce que maintenant, il y a trois RSA. Il y en avait que deux, il y avait qu'un RMI. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué et on va avoir de moins en moins d'argent parce qu'il y a un taux variable. Et le taux maintenant, c'est que le taux entre jusqu'à 500 €, il est plus faible. Donc, ils défavorisent les gens les plus précaires et ils l'ont renforcé de 500 à 1,2 le SMIC, alors que le RSA d'avant, il était plafonné. Toutes les aides ne pouvaient pas cumuler au-delà du SMIC. Et là, maintenant, on pourra... Donc, ceux qui travaillent le plus, mais pas complètement, vont avoir une aide jusqu'à 1,2 SMIC, c'est-à-dire 20% de plus. Ça veut dire que c'est encore une aide au patronat sous la forme d'un salaire déguisé. Je rappelle qu'il y a quand même 4 milliards qui sont donnés sous forme de salaire entre les salaires versés aussi CEI, les contrats d'avenir et tous les petits CEI, etc., sont payés par nous, par nos impôts, par l'État, ainsi que le service civique, sont payés par nous, par l'État, et que ça pique du boulot. Un clou chasse l'autre, de faux emplois sont remplacés par... de vrais emplois sont remplacés par des faux, ou des faux emplois remplacent des vrais. Et c'est la dégradation, et c'est la pauvreté. On veut faire un peu ce qu'a fait l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est que c'est la pauvreté, et s'il n'y a pas un plancher fait par la loi, fait par des accords internationaux, par exemple sur un SMIC européen, on va vers la misère, le pouvoir s'aggrave et ils s'en foutent qu'on crève. J'ai fini. Marc, je vois que tu voulais réagir un peu. Ouais, toi, tu milites à agir contre le chômage assez. Agir ensemble contre le chômage, ouais. C'est un vieux mouvement, ça s'est créé en 1994 et l'idée c'était justement de ne pas accepter de gober des saloperies de ce type. En 94, le truc c'était ils avaient tout essayé contre le chômage et il y avait déjà le Front National qui pointait son nez. Et il y en a même qui parlaient de renvoyer les nanas au fourneau, enfin tout ça, quoi. Donc ce genre de... Nous, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de toucher au droit en prétendant créer de l'emploi. C'est un truc qui ne marche pas. On sait que ça crée plus de précarité et on n'en veut pas. La vraie question, c'est la question du partage des richesses. Et c'est ça qu'il faut arriver à poser sur la table. Et ça dépend du rapport de force qu'on arrivera à construire. Ah, mais c'est ça l'objectif, quoi. Voilà. Dominique de la CIP, tu voulais intervenir aussi ? Ben oui, parce que le rapport de force, voilà, le rapport de force, et comme on est les faibles et que les autres ils ont la force, ils continuent de nous segmenter, de nous séparer, de tirer dans le tas pour qu'on s'écrase de plus en plus. Donc une des bonnes idées qu'ils ont trouvées là et qu'ils utilisent à chaque fois dans les discussions à l'UNEDIC, c'est d'utiliser l'intermittence, vous savez, l'intermittence du spectacle. C'est normal, le spectacle, ça permet de parler du spectacle, on fait du spectacle et tout le monde est au courant et ça fait c'est comme une sorte de porte-voix. Mais donc le MERDEF, il a bien compris le processus et il fait avant tout une première attaque, et une attaque la seule d'ailleurs, c'est une chose qui a un peu révolté les copains de la CGT chômeurs qui sont dans les discussions d'UNEDIC. Et finalement, ils se sont rendus compte que le MEDEF ne posait comme question, comme préalable, que la réduction du déficit des annexes 8 et 10, qui sont d'ailleurs, cette réduction, c'est... C'est terrible ce qui est demandé, quoi. C'est 180 millions d'euros d'économies par an pour la convention qui est signée jusqu'au mois Pour juillet. Pour les intermittents. Pour les intermittents. Oui, parce que c'est 800 000 pour 800 millions, bien sûr. Que oui. demande le gouvernement. Oui, alors là, mais moi je parle pour les intermittents parce que, bien entendu, ça va masquer la forêt, quoi. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse sur les intermittents. D'ailleurs, moi je fais partie d'une association qui s'appelle la coordination, des intermittents et précaires d'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on est aussi à l'origine d'une réflexion sur une extension de l'intermittence à tous les métiers discontinus. Donc le MEDEF, à la fois, il fait d'une pierre deux coups, il tape pour masquer la suite hein, de ce qui va se passer pour l'ensemble de la convention, hein, mais en même temps, il les détruit une possible forme de solidarité entre les divers métiers discontinus, de pouvoir utiliser un modèle qui viendrait justement de l'intermittence du spectacle. Voilà. Enfin, les choses ne sont pas jouées en même temps, parce que, par exemple, c'est sûr que côté intermittent, là, la saloperie proposée par le patronat uni, acceptée par la CFDT, qui consiste à faire 190 millions... — 185 millions. — D'économies sur les droits des intermittents. — Sur la première année, 400 millions par an, après. — Ouais. C'est un truc qui est évidemment inacceptable, quoi. Alors on sait que le 7 avril, bientôt, la semaine prochaine, ils vont sans doute sortir leur proposition pour le régime général. Et à ce moment... Enfin pour les autres chômeurs, parce que ça risque de concerner aussi les intérimaires, tout ça. Et là, il va falloir saisir la question. Là, on va avoir l'échéance. La semaine prochaine, on sait de quoi on doit parler entre nous. C'est qu'est-ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre dans les dents et comment on réagit. Comment on l'explique aux autres aussi. Parce que la difficulté, c'est qu'on est un peu isolé, tout ça, machin. Voilà. Mais enfin, les choses ne sont pas jouées, puisque là, il y a quand même cette mobilisation forte contre le contrat de travail, qui est un autre aspect, qui est la même chose. Enfin, nous, on dit assurance chômage, droit du travail, même combat. Mais c'est proche, quoi. Enfin, on est un peu sur défendre nos droits, ceux qui ont été gagnés par les anciens et en gagner de nouveau, quoi. Justement, nous, on pense... nous et les autres, d'ailleurs, il n'y a pas que... je dis nous, c'est bête, mais enfin bon, c'est le nous, quoi. On dit que pas de droit du travail sans droit au chômage. Ouais. On ne peut pas... mais avec, en sachant aussi, en arrière-fond, que... et ça, c'est un autre sujet qu'il faudra discuter, mais peut-être pas ici, c'est que le chômage, c'est aussi une forme de gouvernement. Le chômage, c'est une autre forme de gouvernance. C'est-à-dire qu'avec le chômage, on gouverne. Un chômage... on ne va pas supprimer le chômage, ils vont conserver... c'est du chômage bas de gamme, très bas, vont descendre, mais ils vont continuer à gouverner. À qui profite le chômage? Voilà. Ils vont considérer le travail comme un instrument d'aliénation par le gouvernement. Voilà. Et on a vu, comme le soulignait le monsieur de la CGT chômeur, on avait vu les recettes actuelles qui sont proposées à l'intérieur du projet El Khomri et autres, elles ont été appliquées en Allemagne, et on a eu les chiffres qui sont tombés avec des médias allemands qui ont pas mal rebondi dessus, comme une explosion de la pauvreté récemment, et qui s'induit par toutes ces recettes qui ont été mises en place, des petits contrats précaires, des forfaits horaires où tu es obligé d'accepter avec tel salaire et autres. Faut pas oublier que la démocratie, elle est née quand même avec une part d'esclavage. La démocratie grecque, il y avait une grande part d'esclaves aussi. C'était l'équivalent des machines. Moi, je voudrais amener quelque chose. Si je peux me permettre, j'ai lu un texte très intéressant dernièrement d'une personne qui s'appelle Jao. Et en fait, c'est juste une parenthèse, mais pour remettre le fait que, justement, sur cette loi El Khomri, on utilise beaucoup le concept d'esclavage. Et lui, il dit quand même, si on utilise le concept d'esclavage, c'est dommage, parce que ça veut dire que, en fait, on ne sait plus parler d'exploitation. Que, en fait, ici, en France notamment, on ne peut pas dire qu'il y a de l'esclavage non plus, parce que, déjà, je ne sais pas comment dire, l'esclavage, c'est un régime qui a duré 400 ans, et qui a touché une certaine partie de la population. Et nous, quand même, on est ici, on a des travails, on connaît du sous-salariat, on connaît des contrats précaires imposés ou des choses comme ça, mais c'est de l'exploitation. Et peut-être, ce que je propose, c'est vraiment d'employer le terme d'exploitation, de le repolitiser. Ça a peut-être... d'accord, c'est de l'exploitation, c'est le durcissement de l'exploitation, cette forme, mais... je préférerais qu'on utilise le terme d'exploitation plutôt qu'esclavage, quoi, même si c'est parlant. Enfin, je pense qu'on peut utiliser les deux chemins avec toi, Raphaël, je suis désolé. Dans le sens où, à partir du moment où un être humain ne peut pas subvenir à ses besoins en autonomie partielle ou totale, et qu'on l'oblige à travailler pour pouvoir se nourrir. Grosso modo, l'État ou la société donne le pain dans la bouche d'un être humain qui est obligé de travailler. Il est la propriété physique de l'État. Il n'est pas autre chose. Oui, je voudrais... Je peux ? Vas-y, Pierre. Moi, je voudrais préciser le terme, effectivement, parce que esclavage, ça a une résonance... Les mots ont des résonances... ces mots valisent un peu. Et, le terme qui a été utilisé dans la condamnation de l'Angleterre est « travail forcé » par l'OIT. J'ai là la convention numéro 105 de l'OIT sur le travail forcé. C'est le travail forcé qu'il faut dire, hein. Est-ce que, de quoi tu parles en Angleterre exactement ? C'est le contrat zéro heure, c'est ça ? Non, non, ça c'est plus proche de ce que fait l'Allemagne. Suite au fait qu'elle s'est fait retoquer en utilisant les revenus de remplacement très faibles déjà pour faire travailler les gens dans un autre domaine. Donc il y avait deux délits, un travail forcé d'une part et d'autre part détournement de fonds. Donc l'Angleterre s'est fait retoquer. Donc maintenant elle fait signer des contrats comme ils veulent faire en France. C'est pour ça qu'ils veulent supprimer le code du travail et les barrières. C'est que pour... T'as signé mon pote, maintenant t'es d'accord pour faire ça. Par exemple, pour l'intérim, on parlait, le CDI de l'intérim, c'est ce qui se passe, c'est que vous êtes en fait de permanence tout le temps, et il faut venir au coup de fil, et en plus dans le contrat, parce que là, ils sont en train de nous avoir déjà, ils commencent à détricoter les planchers, les barrières, les garde-fous, et quand je dis fous, c'est au sens premier du terme, car maintenant, certains en intérim, nous on les déconseille de le signer ce contrat, ils signent un contrat avec une boîte, je sais pas, Manpower, Star machin et truc-muche. Donc, une fois que c'est signé, tu peux pas aller chez l'autre, tu as les mains liées, on t'appelle quand tu veux, donc tu peux rien prévoir, les revenus sont, etc. C'est un piège phénoménal. Moi, je voudrais parler d'autre chose sur la... Parce que pour moi, c'est lié, effectivement, hein, la problématique des revenus de remplacement, globalement, et la problématique du travail. Parce que c'est plus... Bon. La CGT, moi, je suis pas du tout dans les négociations, hein, je suis pas dans l'équipe qui fait ça. J'ai entendu une chose qui m'a fait plaisir, c'est que puisqu'il y a des dépenses, il y a des recettes. Donc la CGT propose, par exemple, ça je l'avais noté, d'augmenter les cotisations des cadres qui sont plafonnées à je ne sais plus combien de la Sécu. Donc si on les déplafonne, on aura des recettes plus grandes. Le MEDEF aurait répondu là-dessus, dans les couloirs, parce que ça se passe aussi là, qu'à ce moment-là, il faut déplafonner l'ARE des cadres, qui est elle aussi plafonnée, je crois, autour de 4 000 euros. On met les chiffres sous réserve. Hein. Sauf que les cadres sont rarement au chômage. Donc, il y a des calculs qui sont faits sur les chiffres qu'a bien voulu donner l'UNEDIC quand elle veut. C'est qu'il y aurait un gain au niveau des cotisations. Je voudrais aussi souligner qu'il y a des exonérations de cotisations depuis Juppé qui ont été augmentées et qui maintenant sont, à cause du gouvernement socialiste, à 1,4. Or, le salaire moyen, il est juste au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a près de la moitié des salariés qui ne payent pas de cotisations. C'est énorme. Et alors donc, on en revient à ce que le MEDEF, il est en train... Comme il ne peut plus faire de bénéfices sur la production parce qu'on est en capacité de surproduction, c'est pour ça qu'il n'investit pas. Il a essayé de faire de l'argent sur le dos d'où elle peut, donc tondre les plus pauvres jusqu'à ce qu'ils crèvent et aussi prendre à partie, prendre la main sur les savoirs, sur les brevets, sur les OGM, sur la nature. Moi, j'ai quelques chiffres parce que moi, j'y avais travaillé il y a un an. C'est quand même énorme. 20%, ça c'est des chiffres qui datent de 2013, 20 milliards de CICE, 40 milliards de pacte de responsabilité, 6 milliards de crédit d'impôt recherche, dont les rapports de la Cour des comptes disent que ça sert à rien, parce qu'ils n'investissent pas, puisqu'ils sont en surproduction, ils ne vont pas investir dans des nouvelles machines, elles ne tournent pas à fond. Plus 34 milliards des régimes sociétés mères, plus 18 milliards pour le régime d'intégration fiscale, plus la suppression de la taxe professionnelle il y a 5 ans, qui à l'époque était chiffrée à 8 milliards. En plus, l'État finance les salaires pour 4 milliards, hein, avec les CEI, services civiques, contrats d'avenir. Soit plus de 200 milliards donnés au gouvernement par le patronat. À quoi il faut ajouter, et c'est énorme, la fraude fiscale... Par le gouvernement. Oui, on est à 200 milliards il y a en 2013, donc maintenant ça doit être plus. La fraude fiscale, 80 milliards sur la fraude sociale, 20 milliards sur la fraude à la TVA, 32 milliards sur l'URSSAF et compagnie. 60-30 milliards de manque à gagner. Donc là, on est à 335 milliards à peu près, entre les recettes qu'on n'a pas, par la fraude et ce qu'on donne directement. C'est, le budget de l'État est de 450 milliards. Ça veut dire qu'il y a la moitié du budget de l'État qui est bouffé par ces sangsues, ces parasites. La production, s'il y avait redistribution des richesses sur la production, parce que du coup, comme ils ne produisent pas, ils spéculent sur la finance aussi. C'est lié sur l'actionnariat, racheter les actions, etc. Tout est lié. Eh oui. Alors il nous reste 5 minutes sur ce sujet. Je crois qu'il y a au moins une chose qu'on voit rapidement, c'est que l'état des lieux, même des personnes qui sont précaires, sans emploi, etc., vont devenir encore plus catastrophiques. Clairement, le travailleur est un privilégié avec un contrat et le chômeur, c'est un feignant qu'on va mettre au travail. Et je trouve ça très intéressant, les expériences que vous avez citées en Allemagne, en Angleterre, le fait que les minima sociaux aujourd'hui, type RSA, va être lié à l'obligation de travailler. Donc on est en train de remettre en question... C'est illégal, hein, je rappelle. Oui, mais c'est pas fait. C'est toute l'idée de remettre en question le droit et l'accès des minima sociaux qui sont... J'ai une réalité sociale et c'est pour ça que j'ai un droit. Là, ça s'appelle du chantage et du vol, effectivement. Et si tu travailles pour rien, eh bien, tu voles un emploi pour un autre. Donc ça, c'est une conséquence, voilà. Et la philosophie, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, c'est la gauche au pouvoir qui mène une accélération, hein, c'est quand même le rappeler. Et je trouve que voilà, vos initiatives sont importantes d'avoir une analyse sur ça. Je pense que tu peux rebondir aussi. Je voulais juste dire un truc. C'est que là, la négociation assurance chômage qui est en cours, ça va durer pendant un petit temps. On a la chance qu'il y ait la mobilisation contre le contrat de travail qui amène beaucoup de questions, on le voit bien. Et puis aussi, les gens qui manifestent sont pas tous des gens... sur les trottoirs, il y a des tas de chômeurs et de futurs chômeurs. Je pense que ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que... parce que je parierais que même autour de la table, il y a des chômeurs et précaires, là aussi. On a intérêt à se mobiliser. En ce moment, là, il y a une fenêtre particulière dont on peut profiter. Mais il faut s'en donner les moyens. Et la question, c'est de savoir comment on peut se regrouper pour ça. Alors, la nuit de debout... La nuit debout, c'est une des initiatives où on va pouvoir discuter. Lundi prochain, je crois qu'il y a une AG à l'appel de la CIP, mais tu vas en dire un mot, Dominique. Oui, il est sorti. Dominique, ouais. Tu veux parler un petit peu de l'appel de la CIP ? Voilà. Oui. Et Simon, l'appel du 4, c'est par rapport à l'intermittence du spectacle qui est attaqué très sérieusement par justement le MEDEF, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, on est au taquet, donc on va parler de ça, mais on va parler bien entendu aussi au niveau de la précarité, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les métiers du spectacle qui ont basculé dans le régime général et qui sont aussi dans une situation de précarité totale aussi. C'est-à-dire que là, dans les 4 ans qui vont venir, même si Greg Samen a foutu les annexes 8 et 10 dans la loi, ça va être une coquille vide, les annexes 8 et 10, parce que finalement, on va avoir une baisse des indemnités qui va être drastique, et il va y avoir un certain nombre de gens qui ne feront plus partie des ACDIC parce qu'ils ne pourront plus remplir les conditions pour y rentrer aux annexes 8 et 10. Et puis, dans pas longtemps, ils vont certainement foutre en l'air les techniciens des annexes 8 et 10. Donc, il y a une précarité qui s'accélère de plus en plus. Alors, bien entendu, il y aura toujours des gens qui vont vivre grassement, puis il va y avoir aussi avec les ACDIC, parce que la technique, c'est de foutre les gens, c'est de faire des bas de laine, c'est de capitaliser, ça n'est pas de faire de la solidarité, c'est de capitaliser. Donc ils ont fait cette chose-là depuis des années pour nous mettre les uns contre les autres, nous séparer les uns des autres, voilà. Donc moi, quand je disais l'esclavage sur la démocratie, je disais que c'était la naissance de la démocratie était basée sur l'esclavage, c'est ce que je voulais dire. Je dis pas forcément qu'aujourd'hui on doit parler de l'esclavage, bien entendu, hein, bien entendu. Voilà. Il y a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de consensus en fait politique. J'ai assisté au grand oral de Sarkozy devant les patrons ce week-end, auquel il s'exprimait, où il, grosso modo, son programme pour 2017, ce qu'il promettait au patronat pour 2017. C'était la suppression du contrat de travail, grosso modo. Ouais. C'était la remise en question des 35 heures bien et sûr, la suppression. Il a même demandé un mot à peine couvert à des patrons de presse que les presses fassent campagne sur ce sujet-là et que, comme c'était les patrons qui pensaient comme ça, que la presse devrait penser comme ça. C'était un truc de fou. Mais on a l'impression, en fait, qu'il y a une espèce de gros consensus et que même les centrales syndicales, pour certaines d'entre elles, sont acquises à ce consensus. Il n'y a pas de remise en question profonde sur la productivité ou sur les gains de productivité et sur le fait qu'il y a un progrès technologique et technique qui les accompagne et qu'actuellement on est plutôt dans une impasse par rapport à tout ça ou quoi. il n'y a pas de remise en question profonde qui est faite. Il y a des gens qui portent espoir sur la nuit du 31 mars, toujours debout, surtout parmi les populations les plus précaires, ou celles qui sont plutôt SDF, sans travail, islamistes et autres, de voir quelque chose d'autre émerger qu'une attitude face à la loi El Khomri, ou d'être contre ou pas, en fait. Le lien avec Notre-Dame-des-Landes et des choses comme ça. Hein. Ok, donc on va faire une petite pause musicale, et tout de suite après, on va parler du mouvement des chômeurs en Tunisie, et du mouvement social en Tunisie. Et tout de suite, un peu de musique sur Au fond près du radiateur, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Hey! À dépôt! C'est encore nous! Hey! Mission locale! Au chômage! Pas boulot, pas boulot! Tous les chômeurs de France! Pas d'emploi, pas d'emploi! On n'a pas de boulot! C'est la Hesse! Allô! Okay. Allô, allez! Pas d'emploi, pas d'emploi! Hey! Ok, donc voilà, ça c'est un son qu'on a trouvé sur YouTube, ça s'appelle Pôle emploi, tu vas une fois, deux fois, trois fois, franchement je suis désolé pour l'artiste, on sait plus qui c'est, donc en tout cas vous pouvez trouver en tapant Pôle emploi sur YouTube, une fois, deux fois, trois fois, voilà. Donc on parlait des mouvements de chômeurs en France, juste pour rappeler quelques adresses, vous avez un site internet qui s'appelle Recours Radiation, notamment qui peut vous aider, parce que en ce moment Pôle emploi aussi sous-traite beaucoup au privé, avec, je ne sais plus comment s'appellent les dispositifs, il y a deux sociétés, il y a Projet et Active Projet et Active Emploi, et donc en gros qui sont juste sous-traités au privé, le fait de radier les chômeurs quoi, en gros, et de les orienter vers des travails dont ils n'ont pas besoin, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont envie de faire quoi. Donc voilà, Recours Radiation, si vous avez des soucis par rapport... avec Pôle emploi, vous pouvez trouver pas mal d'informations là-bas sur comment vous défendre. Il y a aussi le site d'Agir contre le chômage. Marc, si tu peux rappeler un peu comment on peut vous contacter, tout ça. Donc on a notre site ac-chômage.org et aussi sur Paris-Île-de-France, on fait une permanence le lundi sur les problèmes d'accès aux droits, alors ça se radiation et autres. Et ça se trouve à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau. À République. Ouais. Et on fait ça entre 15 et 17 heures. Et après, à 17 D'accord. heures, on discute sur les mobilisations, la suite. D'accord. Donc entre 15 et 17 heures à la Bourse du Travail de Paris, tous les à lundis. République. Ouais, tous les lundis. Lundis. Ok. Y a, sinon, la CGT Chômeurs Roubaix, comment on fait pour vous contacter, vite fait? Alors nous, on a aussi des bureaux à la Bourse du Travail, mais 87 rue Charlot, c'est l'annexe de l'autre côté. Okay. Et on peut nous appeler ou aller sur le site de l'UD. L'Union départementale CGT Paris. Ok, d'accord. Et CIP Île-de-France, vous avez un site aussi qui s'appelle CIP-IDF, un Twitter, un Facebook. Oui, oui. Vous êtes rentré dans le 21e siècle, quoi, un peu. Voilà, voilà. Et puis sinon, on tient une permanence tous les lundis après-midi aux 3 rue d'Aligre, à la commune libre d'Aligre. Ok. Voilà. Et donc, petite dédicace à Radio Aligre aussi, au passage. Radio Libre aussi, c'est pas mal. C'est pas la même chose. Un peu comme FPP et tout. Et donc, voilà, là, maintenant, on voulait parler du mouvement social en Tunisie avec Wael. Donc, et des mouvements de chômeurs qui ont lieu au mois de janvier et février notamment, mais pas que, depuis un peu ce qu'on a appelé le printemps arabe et la révolution tunisienne en 2011. Donc, toi, tu fais partie d'une association qui s'appelle Psy Solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis fondateur de l'association Psychologues Solidaires. C'est une association qui est fondée par des psychologues professionnels. C'est la continuité de notre engagement dans le mouvement étudiant avec le Psychoclub Tunisie. C'était un groupe d'étudiants, un collectif pour défendre les droits des étudiants en Tunisie et tout, à l'université. Et on travaillait souvent en lutte avec l'Union Générale des étudiants tunisiens, l'UGET, qui représente les étudiants tunisiens. C'est un syndicat étudiant. Donc, cette association s'est créée en 2013 et on a commencé le premier projet avec l'association, le centre de psychothérapie France Fanon à Turin, pour prendre en charge les familles des migrants disparus, les jeunes Tunisiens qui sont arrivés en Italie et après ils sont disparus et que leur famille l'ont vu sur les chaînes italienne, mais il n'y a aucune réponse du gouvernement tunisien ni du gouvernement italien. Et bien évidemment que ces migrants tunisiens qui sont partis clandestinement, la migration dite clandestine, quoi, donc sont aussi les victimes de la politique de l'emploi en Tunisie. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans la société tunisienne. Et ils n'ont pas des emplois, ils n'ont pas même pas l'indemnité de chômage. Et donc voilà, on a pris en charge ces familles pour un projet d'un an. Et le principe, c'est de s'occuper, de prendre en charge les populations les plus touchées par la pauvreté, par la précarité et tout. Donc voilà. Et je suis ici pour parler un peu de quelques détails de ce qui s'est passé en Tunisie en mois de janvier. Donc les protestations ont débuté le 16 janvier, lorsque Rida Yahyaoui est mort électrocuté après avoir grimpé sur un poteau pour s'adresser à un rassemblement de chômeurs à qui le ministre de l'Éducation avait refusé des emplois. Il était l'un des 7 chômeurs diplômés privés d'emploi après avoir organisé une occupation l'an dernier et une rencontre avec les autorités locales au début de l'année pour présenter des revendications. Donc plusieurs bâtiments publics, à Jindouba, Touzeur, entre autres, furent occupés par des étudiants et des chômeurs exigeant des emplois. Donc les protestations ont également touché des quartiers populaires à Tunis où les manifestants auraient bloqué les routes et mis le feu à un poste de police. Déjà un policier, il était décédé suite à ces confrontations. Donc ce jeune homme avait récemment découvert pourquoi il s'est monté en fait sur le poteau pour revendiquer ses droits. Il avait récemment découvert que son nom avait été retiré de la liste des dossiers qui devraient être remis au Premier ministre pour une régularisation de la situation. Donc voilà. Donc, ces manifestations, suite à ces manifestations dans beaucoup des régions en Tunisie, C'est en fait c'est presque les mêmes régions où ça a démarré la révolution entre décembre 2010 et janvier 2011. C'est la même période aussi, toujours en Tunisie, c'est l'hiver avec le retour des étudiants et tout, et toujours l'université est un moteur pour voilà la critique sociale et tout. Donc donc dans ces manifestations, elle était dirigée par l'UDC, c'est l'Union des diplômés chômeurs en Tunisie, qui était créée en 2006. C'est aussi un prolongement de la lutte étudiante. Ce sont les étudiants qui ont eu leur diplôme et qui ont créé l'Union des diplômés chômeurs. À l'époque de la dictature de Ben Ali, ils font leurs réunions et tout à l'université avec l'Union des étudiants général, mais maintenant ils ont prolongé leur lutte voilà, à l'extérieur de l'université avec liberté qui existe en Tunisie, mais c'est une juste liberté d'expression. C'est qu'après la révolution, voilà, il y a en Tunisie la liberté d'expression, mais les jeunes, les gens qui ont participé à la révolution et qui sont en train de participer à ce que l'on appelle le processus révolutionnaire, parce qu'il n'y a pas une révolution qui vient comme ça. C'est ce qui s'est passé en 2011, c'est juste la fuite de Ben Ali. Donc voilà, maintenant c'est un processus, et chaque événement qui passe en Tunisie, c'est la participation à ce processus qui va durer longtemps, parce que déjà après les élections de 2014, c'est les anciennes pro-Ben Ali qui sont revenus au pouvoir, et c'est les mêmes hommes d'affaires qui gouvernent en Tunisie. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions avec, en cumul, les luttes, et comme en janvier 2011, donc déjà le gouvernement a accusé les manifestants d'avoir fait l'anarchie dans le pays, et que voilà, c'est les terroristes qui viennent de la Libye qui vont profiter de cette anarchie. Et par contre, c'est la Tunisie qui exporte plus des terroristes, des djihadistes dans le monde. Et ça, c'est suite au désespoir qui s'est passé, en fait. Voilà. Les jeunes Tunisiens, ils n'ont plus confiance à cet État. Et c'est ça, en fait. Vous avez tout à l'heure parlé de la précarité et pauvreté. La précarité, c'est quand on sent que le lien social est disparu, en fait, parce qu'on peut être précaire dans un pays riche, et on peut pas être aussi, et au contraire, on peut être juste pauvre on peut pas être précaire dans un pays pauvre. Mais maintenant, avec la mondialisation capitaliste et ce système qui est imposé sur la société tunisienne comme exemple, mais c'est partout dans le monde arabe, voilà, les pays en développement. Donc voilà. Donc, et comme réaction, le gouvernement a pris une décision de recruter. Attends, je vais voir Suite aux manifestations, aux ouais. occupations, aux émeutes, tout ça, il y a eu une annonce du gouvernement de recruter 5000 personnes à Kasserine, notamment, et 100 000 dans tout le pays. C'est ça que tu disais. Donc, c'était un peu des promesses en l'air, quoi. Oui, c'était des réactions suite aux émeutes. Donc, il n'y avait pas un dialogue avec l'Union des diplômés chômeurs. Déjà, c'est aujourd'hui que se passe un dialogue national autour du chômage. L'UDC, il était contre ce dialogue parce qu'il n'était même pas invité. Aussi, l'Union des agriculteurs, ils n'étaient pas invités. Déjà, ils ont organisé une grande manifestation le mois de janvier, avant ces émeutes de janvier. Donc, et ces agriculteurs, c'est quoi leurs arguments? Ils disent, voilà, on ne peut pas changer même la situation en Tunisie et avoir plus de postes de travail et tout sans s'investir dans l'agriculture même. Donc voilà, c'est toujours les grandes compagnies industrielles qui gouvernent et tout, et les petits travailleurs et tout, ils sont oubliés. Donc voilà. Et donc le gouvernement a proposé, a dit qu'il va créer 23 000 postes d'emploi dans une période très courte de temps. Et ça n'a aucun sens. Donc et la solution qu'il prend, c'est que le pays maintenant, il est endetté. Donc avec les dettes qu'il va créer des nouveaux emplois de travail, quoi. Donc c'est ça le problème, qu'il n'y a pas franchement un dialogue entre les jeunes, qu'il n'y a pas une reconnaissance des luttes des gens qui ont participé à des manifestations, qui veulent changer et tout. Et aussi, ce dialogue national qui se passe aujourd'hui avec la présence de Ban Ki-moon. Déjà, vous êtes au courant que la Tunisie, elle a eu le prix Nobel. En fait, c'est l'UTICA qui a eu ce prix Nobel avec l'UGTT. L'UTICA, c'est l'organisation des patronats et l'Union des générale des travailleurs tunisiens. Normalement, ils sont... Bien sûr, qui est égal à Ben Ali, mais par contre, elle a eu avec l'UGTT, c'est l'Union Générale de Travail en Tunisie. Donc c'est un peu paradoxal, c'est que, comme une alliance entre l'UTICA et les gens qui doivent défendre les employés. Donc c'est très bizarre. Donc voilà, le dialogue national, le consensus en Tunisie, la réussite de la révolution. Mais après, voilà, en janvier, c'était la même chose que s'est passé en 2011. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire en Tunisie, voilà, de cumuler les luttes, d'essayer de créer des alternatives, de faire des sit-ins. Maintenant, il y a des sit-ins partout en Tunisie, devant tous les ministères depuis des mois. Et voilà, on ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas le choix. Le combat est très difficile, mais on essaie aussi de s'allier avec des autres organisations, des ONG internationales, des... Aussi, il y a le problème de la société civile, que les activistes tunisiens, ils reçoivent beaucoup d'argent de l'Union européenne et tout, et ces argents, voilà, pour lancer des débats en dehors des questions sociales et tout, sur les libertés, sur des choses, c'est bien. Les libertés, mais c'est pas, c'est, il faut, voilà, merci, il faut sortir de cette précarité et tout. Beaucoup merci pour ce témoignage de l'extérieur de Tunisie. On constate qu'il y a des luttes un petit peu partout. Il y en a aussi sous Palestine occupée. Il y a un mouvement d'enseignants qui s'est mis en grève et qui manifeste grandement pour son salaire. On en a quotidiennement en Chine, quasiment, à chaque fois que je regarde l'actualité chinoise. En fait, il y a une manif quelque part ou une grève ou quoi que ce soit. Après, il y a un pays où il y en a un petit peu moins, c'est les États-Unis, où on a réussi à... La loi SMIC à 15 dollars. Ouais. On a quand même réussi à casser les syndicats là-bas, et puis le peuple américain aussi est assez cassé, connaît pas mal de difficultés. Et du coup, ce qui a été intéressant pour moi, c'est la nuit, on reste debout après le 31 mars, avec je sais plus ton prénom, Tristan. Tristan. Voilà, Tristan qui va nous en parler. Voilà, je viens présenter le mouvement sans prétendre le représenter. Juste, j'avais une dernière question pour Wael et tout. Avant d'aborder ce point, excuse-moi Tristan. En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comparer les moyens d'action que prend les mouvements de chômeurs en Tunisie et les moyens d'action des mouvements de chômeurs en France. Par exemple, je connaissais des gens qui étaient dans des mouvements de chômeurs dans le sud de la France, et qui disait, voilà, occuper des pôles emploi, on en a marre, maintenant on va bloquer des routes, on va bloquer des entreprises pour avoir du travail. Et en parlant avec toi, Marc, aussi, hors antenne, tu me disais que ça s'était fait à l'époque, notamment des comités de chômeurs qui se mettaient en lien avec des entreprises où on savait que les salariés faisaient soit trop d'heures sup, soit étaient en sous-effectif, donc il y avait un besoin de personnel, et donc il y avait une action conjointe avec des entreprises comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'occuper des agences au Pôle emploi, c'est vrai qu'on en a marre, tu vois. Et du coup, je trouve que ce mouvement en Tunisie est plein de vie. Et du coup, si on peut avoir juste un débat sur un peu ces moyens d'action et les revendications aussi. Qu'est-ce qu'on veut de l'argent de l'État, des minima sociaux? Ou est-ce qu'on veut que l'État nous donne des emplois? Ou est-ce qu'on veut changer complètement le système économique? Qui, par exemple, tu parlais de l'agriculture, on va privilégier, par exemple, la PAC. La politique agricole commune en Europe va privilégier l'agriculture industrielle. Et du coup, dans les pays du Sud, l'agriculture vivrière, la petite agriculture paysanne n'est plus du tout rentable et donc est détruite par cette agriculture industrielle. Et ça détruit tout le tissu local et tout ça, quoi. Donc, en quelques minutes avant de... Oui, ce qu'on a remarqué en Tunisie, c'est que le gouvernement ne réagisse qu'à la suite des confrontations violentes avec les ordres de force et tout. Donc voilà, c'est toujours la réaction du gouvernement vient suite à des confrontations, la violence politique qui vient des diplômés chômeurs ou des manifestants, et qu'ils ne veulent pas comprendre pacifiquement comme ça. Donc s'il y a un passage à l'acte, voilà, il y a des réactions directes suite à ça. Donc voilà, par exemple, nous, les demandes, c'est la réforme du système éducatif, parce que par exemple, les chômeurs maintenant, voilà, la plupart, il y a 200 000 diplômés chômeurs, donc ils sont chômeurs parce qu'ils ont des diplômes qui ne sont pas efficaces sur le marché de travail. Donc voilà, on a par exemple le système LMD qui est imposé en Tunisie, donc qui n'est pas adapté à notre société. Par exemple, un technicien supérieur en Tunisie, il ne peut rien faire avec son diplôme, parce que quelqu'un qui a appris ce travail tout seul, il peut faire technicien supérieur, plomberie et tout, donc des petits travaux, des petits employeurs qui peuvent faire tout. Donc voilà, il n'y a pas des grandes sociétés pour que les gens travaillent dans ces trucs. Donc et aussi, il faut penser à trouver des solutions pour remplacer le domaine de tourisme. En fait, le tourisme, c'est foutu maintenant. Et qu'est-ce que s'est passé après les attentats de l'été dernier? Donc, à la place de donner des indemnités de chômage pour les employeurs du tourisme, ils ont donné de l'aide pour les hommes d'affaires qui ont les propriétaires en fait des hôtels. Et c'est en fait, ils se moquent directement des gens. Les manifestations dans les rues et le gouvernement donne de l'aide pour les dirigeants des hôtels qui sont même eux, ils sont des membres de la constitution tunisienne. Donc voilà, ils sont déjà passés à l'acte. Ils défendent leur propriété dans la constitution tunisienne, et c'est la confrontation est très chaude, et il y a le débat politique en Tunisie, même si on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais je pense que même dans 5 ans, 10 ans, il y aura une génération nouvelle qui a une conscience politique très forte, parce qu'il y a la liberté des médias et tout. Donc il y a les débats, tout le monde sait ce que je suis en train de dire, même s'il est dans la consommation, mais quand il regarde et entend, il comprend très bien ce qui se passe. Donc tous les gens parlent politique et tout. Donc voilà, on est un peu dans l'inconnu, mais on attend, voilà, je sais pas exactement. Merci Well. Et Marc, en une minute, si tu veux réagir un peu sur qu'est-ce que ça t'évoque, les mouvements de chômeurs vus d'ailleurs un peu, quoi. Ah non, tu voulais parler d'un autre sujet. Vaste question. C'était par rapport à ce que tu disais. C'est vrai qu'à un moment donné, assez à pratiquer les réquisitions d'emploi, comme on disait. En lien avec des salariés des boîtes où il y avait des heures sup, où le personnel râlait parce qu'il n'y avait pas de personnel, on venait pour faire pression pour qu'ils embauchent des gens. Ça a marché dans certains cas. C'est pas facile comme truc, parce qu'il faut avoir les contacts, il faut suivre derrière, et puis il faut arriver à imposer les gens qu'on veut. C'est un truc qui est pas très facile, et finalement côté AC, on a un peu laissé tomber ça. On s'est plutôt basé. Après, c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir quel écho ça a en Tunisie, mais on s'est basé sur le fait qu'il nous fallait les moyens de vivre. La question du partage des richesses, a priori, traditionnellement, ça se fait par l'emploi. Si on n'arrive pas à avoir l'emploi, il nous faut la thune de toute façon. Et donc, l'idée, c'était de constituer du rapport de force pour ça. On avait une argumentation en 3 points. Hein. Une, c'était de dire que d'abord, il y a un aspect de générosité par rapport aux gens qui sont dans la merde. Bien sûr qu'on ne peut pas supporter ça. Bien sûr qu'on peut répartir l'argent. Il y a un aspect aussi, ce sentiment de classe. C'est en reconstituant ça qu'on arrivera à se battre contre ceux d'en face qui ne veulent pas lâcher la thune, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas organisé pour aller la chercher. Cette thune, elle est à nous déjà. Ouais, mais sauf que après, c'est comme partout. Ils filent de l'argent au patron ou bien à certaines catégories et tout. Mais c'est juste parce que de notre côté, on n'est pas organisé pour aller la chercher. Et puis le troisième truc sur la question du revenu, et après j'arrête. Hein. Nous, on parlait revenu avant le débat, salaire, revenu, machin, tout ça. Bon, voilà. C'est les moyens de vivre, quoi. Les moyens de vivre. Et le troisième argument, c'était le projet de société. On fait confiance aux gens. Les gens, quand il y a des tas de chômeurs qui donnent des coups de main aux gamins pour apprendre les cours. Il y a de l'entraide, tout ça, machin. On n'a pas forcément de patron pour s'organiser, quoi. Le troisième argument, c'était ça. Le projet de société où la confiance fait que ça peut fonctionner entre nous, quoi. Du coup, vu peu de temps qui reste pour l'émission, on va en venir à Tristan plutôt directement et peut-être après revenir sur les sujets, parce qu'on a tous le sentiment autour de la table, et pas que de la table, même dehors dans les AG et tout ça, comme quoi il y a quand même une remise en question profonde du système économique dans lequel on est inscrit, ainsi que du système politique. Du coup, il y a des espoirs qui se portent sur le 31 mars, sur la nuit, on est debout, qui est parti plus sur des bases de travail, de salariat et par rapport à la loi El Khomri. Mais il y a une attente des gens, il y a un espoir. Du coup, tu peux nous expliquer le projet de le 31 mars, on reste tous debout et on reste sur la place de la République pendant 3 jours, il me semble. Alors, on reste sur la place de la République pour une durée indéterminée. Et donc, ça commence jeudi 31 mars, donc après-demain, à 18h. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est vraiment que y a un certain nombre de gens, hein, militants, activistes, simples citoyens, qui ont été un peu galvanisés, rassemblés par le très bon documentaire de François Ruffin, Merci Patron, qui a fait plus de 160 000 entrées en salle et que j'espère que vous êtes tous allés voir, parce que c'est très éloquent. Et, qu'est-ce qui a plu aux gens dans ce documentaire ? Je ne l'ai pas vu encore. Bah, écoute... Ouais, ce qui a plu aux gens, je crois, ce documentaire, il fait, il dit deux choses finalement. Déjà, c'est, il démontre un peu cette problématique oligarchique. Il montre un petit peu les écarts de richesse. Il montre les ravages du néolibéralisme, de la délocalisation, voilà, de la destruction d'emplois. Face un mec, Bernard Arnault, donc, qui se fait piéger, hein, ses services de sécurité se font piéger. Lui, c'est le patron de LVMH. Donc Bernard Arnault, le patron de LVMH, une des principales fortunes françaises, hein, plus de 30 milliards d'euros, hein, voilà, qui est en constante augmentation, dont l'augmentation de fortune est proportionnelle à celle du chômage, j'ai envie de dire, voilà, qui délocalise à tour de bras. Du coup, gère l'UNEDIC aussi, c'est ça ? Non, je disais, sa fortune, ça correspond à la dette de l'UNEDIC. Ils ont réduit les droits parce que... Enfin bon, okay. Du coup, tu peux nous expliquer pourquoi est venue l'idée, après le fait d'avoir vu ce film où vous avez l'idée, discuté, voilà, entre vous, j'imagine, ouais, et tout ça. Il y a eu une AG à la bourse aussi, après laquelle vous avez... L'idée, ça a été, il y a eu une AG donc à la Bourse du Travail. Pas mal de gens se sont rassemblés, des gens vraiment avec une grande diversité, jeunes et vieux, chômeurs et travailleurs, voilà, des salariés, des gens qui ont pas de capital finalement, hein, des gens qui subissent ce rapport de force qui est celui du salariat, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est ça la problématique, c'est que y a un rapport de force entre celui qui offre l'emploi et celui qui dépend de l'emploi pour vivre. Le fondement, il est là. Et on s'est vraiment réunis sur cette base-là, avec une très grande diversité. On s'est posé la question une première fois de quoi faire, et on s'est dit, il faut occuper une place. Voilà, il faut occuper une place parce que bah, je vois mon camarade tunisien qui a vécu ces moments-là, et on a le sentiment quand même que c'est ça qui marche. Il faut occuper une place, et puis vous en parliez quand même beaucoup, il faut se rassembler. Voilà, le fait est que y a une grande diversité de luttes, notamment en France, hein, parce que je vais parler peut-être pour simplifier que du cas de la France. Il y a des luttes pour l'environnement, il y a des luttes contre les projets inutiles, il y a des luttes contre des projets de loi qui vont complètement à l'encontre des intérêts de la majorité de la population. Il y a des luttes contre la corruption. Voilà, c'est diverses formes, à l'étranger, mais aussi en France. On a un grand cumul des mandats. Il y a des luttes pour le renouvellement de la politique. Il y a des luttes, je pense à Acrimed, il y a des luttes voilà, contre médias. Des médias qui sont détenus. Alors, il y a un chiffre qui sort souvent, c'est 95% ouais, par 7 actionnaires. Voilà. Un média qui dépend de la publicité, un média qui est inféodé à un actionnaire, comment peut-il traiter objectivement, de manière indépendante, un sujet ? Mécaniquement, on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à ce que ce soit le cas. C'est le cas en France comme c'est le cas dans de nombreux pays, peut-être de manière un peu plus subtile en France que dans des pays qui ont subi la dictature, voilà. Mais donc on a cette emprise-là de l'oligarchie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de faire face à ce constat, on a envie de se rassembler. on a envie d'occuper une place, ça se passera jeudi 31, donc après-demain, à 18h, place de la République, symbolique s'il en est. Et qu'est-ce qu'on va faire, place de la République ? On va commencer par un discours du très éloquent Frédéric Lordon, voilà, qui va, j'espère, galvaniser les troupes. Il y aura une projection, évidemment gratuite, du film de François Ruffin, Merci Patron. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion. Au moins, venez au moins profiter du film. Ça vaut le détour. C'est, pour reprendre une critique, on passe du rire aux larmes, mais ça se passe vraiment comme ça. Parce qu'elle est émouvante, l'histoire de ces gens. Et je crois qu'elle symbolise pas mal le pire, un peu le pire de ce qui se passe dans le rapport au salariat, dans la perte d'emploi, ce rapport de force, ce rapport de lutte des classes. Parce que c'est de ça qu'on parle. Et il y aura des AG. Juste une remarque, tu as eu des tentatives comme ça, depuis la chute de Lehman Brothers, à peu près il y a 8 ans, 7 ans en fait, tu as eu des tentatives du mouvement des Indignés ou d'autres à des occupations de places symboliques qui ont plus ou moins... Bastille, La Défense et autres, qui ont plus ou moins réussi ou plus ou moins raté. Ce qui m'intéressait beaucoup dans ce que tu disais, c'est aussi le fait d'essayer de réfléchir à ou de nouveaux moyens de lutte ou de ressusciter d'anciens moyens, de voir comment, parce qu'on a un sentiment de frustration qui est chez tout le monde, à la fois dans le monde du travail, mais également dans ceux qui sont privés de travail ou qui sont dans une pauvreté assez extrême. Et du coup, je voulais que tu en parles un petit peu plus. Tu veux dire quelle est la teneur de ce qu'on compte faire, La teneur, et puis sur quels moyens vous avez réfléchi, en fait? Écoute, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est avant le stade de la réflexion sur les moyens, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réunis à la Bourse de Travail à 200 personnes et on a décidé de mettre en place cette occupation pour justement créer les moyens de la réflexion avec tous ceux qui voudraient de gauche, bien prendre part à la création, justement, d'une alternative. Voilà, à ne plus se contenter de revendiquer des choses, de lutter contre, mais créer une alternative, imaginer des solutions tous ensemble, des solutions politiques, des solutions économiques, rassembler toutes ces énergies qui ont en commun la lutte contre cet état de ce rapport social, voilà. Qui découle du néolibéralisme. Alors Notre-Dame-des-Landes, je faisais un peu l'énumération tout à l'heure. On va profiter de cette dynamique qui est poussée par la loi M. Khomri pour créer des assemblées et commencer à se structurer. L'idée, c'est de se structurer, d'occuper durablement le terrain politique et de créer un mouvement, de chercher des solutions, tous ensemble. Et on s'est rendu compte déjà, les 200 qui étaient rassemblés, qu'on avait plein d'idées, qu'il y avait énormément de gens de diverses origines, avec des histoires différentes, de divers niveaux sociaux. Voilà, il y a du cadre, il y a de l'ouvrier, il y a du syndiqué, il y a du pas syndiqué, il y a du chômeur, il y a du pas chômeur, il y a des étudiants nombreux, il y a des gens qui ont de l'expérience, d'autres qui n'en ont pas. Il y a énormément de talent pour créer des choses, et c'est ça notre ambition. Moi, je t'avoue que je suis archi intéressé, je me suis inscrit sur votre page Facebook, à l'événement que vous avez créé. Effectivement, il y a une section « Nous rejoindre », il ne faut vraiment pas hésiter... à nous contacter. Donc ça s'appelle Convergence des luttes. Alors convergence -6 lutte au pluriel .org. Voilà, puis vous nous retrouvez évidemment sur Twitter, sur Facebook, on est pas mal présents sur les réseaux sociaux. Il y a déjà plus de 2500 personnes, je crois, qui ont prévu de venir à l'occupation de la place de la République, avec 4000 indécis, j'espère que d'ici là, ils sauront se mobiliser. Après, Facebook, c'est surtout un outil de communication, on va dire, pour faire tourner l'info. Effectivement, ouais. Et j'ai vu les deux vidéos aussi que vous avez sorties, une qui était un appel dans le métro. Dans le métro, avec ouais. Une dame avec un mégaphone et tout ça. Et l'autre, il y a un montage avec Charlie Chaplin et tout ça. Ouais, deuxième, elle est franchement mortelle. Le premier, on n'entend pas trop le son. Du coup, j'imagine qu'il y a des consignes pour venir, genre on ramène notre bouffe, notre duvet ou... Effectivement, je vous invite à suivre vraiment sur les réseaux sociaux au fur et à mesure l'évolution. Le lieu a été défini tout juste aujourd'hui, donc place de la République. L'idée, si vous voulez rester toute la nuit, c'est d'amener votre duvet, d'amener aussi quelques trucs à grignoter. On va avoir une restauration solidaire, il y a des gens qui sont en train de s'occuper de ça, puis d'amener voilà, votre énergie, votre bonne volonté, vos idées. Et juste pour des questions que peut se poser n'importe quelle personne lambda, en fait, c'est, on va dire que l'occupation, elle se fait sous autorisation préfectorale ou pas, ou ça se passe comment ? Ça a été négocié, ouais, il me semble. Voilà. Que ça a été négocié occupation intemporelle ou une occupation avec une durée limitée ? Écoute, je ne suis pas au fait des détails. Je ne pense pas qu'une occupation pour une durée indéterminée soit négociable, de toute façon. C'est impossible. Mais bon, à nous, en étant suffisamment nombreux, de la négocier, si on en a l'énergie. Par le rapport de force. Vous vouliez réagir, j'imagine, autour de ça ? Je propose juste, on va faire une toute petite pause musicale et ensuite, comme ça, on va conclure l'émission. Et du coup, chacun pourra rebondir et tout ça. Juste après une petite pause musicale, c'est toujours aux fréquences Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Donc l'émission touche à sa fin. Vous allez bientôt retrouver l'émission Dooboot. Il nous reste 5 minutes. Voilà, je vous laisse la parole si vous voulez conclure, rajouter quelque chose en 5 minutes. Bon, moi je voulais simplement rappeler qu'il y a une AG de la coordination intermittent et précaire d'Île-de-France le 4 avril au Théâtre de la Colline. Je crois que l'horaire, c'est 19h30, voilà. 19h, voilà. C'est quand, ça ? C'est le 4 avril, c'est lundi prochain. C'est Métro Gambetta ? Comment ? C'est Métro Gambetta, le Théâtre de la Colline, c'est Métro Gambetta. Et voilà, c'est intermittent et précaire, donc c'est ouvert à tous les gens qui sont concernés par ces deux choses-là. Maintenant, il y a des formes de lutte dont on a causé ces derniers temps, c'est que justement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des boulots précaires, qui font en même temps le métier d'étudiant, puis en même temps, ils vont faire des petits boulots, et ils sont excessivement exploités. Donc, on posait la question de comment, si on ne pouvait pas justement s'organiser pour aller dans les endroits où ils sont justement, où les entreprises dérogent un petit peu trop au droit, tu vois, d'aller là-bas sans que ce soit ceux qui sont dedans qui y aillent. C'est-à-dire que ce soit qu'on y aille, qu'on forme une forme de chaîne. C'est-à-dire que bon, bah, celui qui dit bon, bah, chez moi ça merde, on y va à plusieurs. Et puis celui qui reste, qui bosse dans l'entreprise, il n'est pas pénalisé, quoi. Voilà. Le mot de la fin, Pierre aussi. Oui, alors sur les que quoi inventer dans les formes de lutte, il faut inventer effectivement. Il faut occuper le terrain de l'entreprise. Je rappelle par exemple, comme tu le dis, parce que ceux qui sont dans la place, ils peuvent rien faire. Bah oui. Donc c'est à nous d'y aller de l'extérieur. Ça, on est bien d'accord. C'est des choses qui ont déjà été faites. Je rappelle des luttes sur les Fralib ou sur les glaces Labellaude, Fralib et les glaces Labellaude. C'est comme ça que ça avait commencé. C'est arrivé à quelque chose qui est quand même critique vis-à-vis du capitalisme, puisque ça a été des boîtes qui ont été reprises sous le système coopératif, c'est-à-dire sans actionnaires et autogérées. Je rappelle aussi que si pour changer les choses, il faudrait que le patronat contribue. Hein, j'ai montré qu'il contribue à rien. Par exemple, sur les impôts de l'entreprise, on s'aperçoit, et ça, c'est pour ça qu'il faut être internationaliste, c'est que l'Angleterre a annoncé qu'elle allait baisser son taux sur les bénéfices des entreprises à 17%, l'Irlande est à 12%, la France à 36%. Ça veut dire qu'à terme, le MEDEF va dire « Ah ben, là-bas, c'est moins cher », sans compter les contrats de gré à gré. La redistribution aussi des richesses sur les spéculateurs, et enfin, reprendre en main la monnaie, le pouvoir politique et la démocratie, j'ai fini. On va dire un petit truc juste par rapport à la négociation qui est en cours, parce que quand on parle assurance chômage, on a toujours l'impression qu'on parle d'un truc qui n'existe pas, déjà parce que c'est vachement dur à toucher. Il y a la moitié des gens qui, chaque mois, ne touchent pas l'allocation chômage. L'assurance chômage, c'est... qui la touche pas. Voilà. Donc, c'est la moitié des mecs qui sont... 59%. Et pourtant, chaque année, ça fait 4 700 000 personnes qui la touchent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de précarité, tout ça, machin. Et le machin, là, qui se négocie... Juste rappeler que donc, ça concerne beaucoup de gens. Si on s'y met, si on y croit, on peut peut-être limiter la casse, voire gagner des droits nouveaux, parce que c'est déjà arrivé. Et puis surtout, ça peut faire masse après. Si on prend de la confiance en nous, on est capable d'être solidaire, quelle que soit la location. Et là où ils veulent nous imposer des trucs qu'on ne veut pas, parce qu'on toucherait le RSA ou je ne sais pas trop quoi, on peut faire masse. Et c'est un peu ça aussi l'enjeu de cette mobilisation. Arriver à reprendre de la confiance en nous, recréer les structures et nous défendre et gagner les droits nouveaux, quoi. Ouais, voilà. Oui, je veux dire que en fait, la dégradation des conditions économiques des classes sociales, des classes populaires après la Révolution, le chômage croissant, les augmentations faramineuses des prix, ne sont pas le fait de la Révolution, mais de la contre-révolution, parce que c'est ce que les médias veulent passer pour les Tunisiens, en fait. Mmh. Voilà. Les phénomènes, ce que l'on appelle crise économique, chute de croissance, baisse de l'investissement, et dont on veut faire porter la responsabilité aux demandes exagérées des classes populaires, à leur grève et aux populaires, à leur grève et au blocage de routes, sont les formes qui prend la grève politique contre la révolution. Voilà. Autrement dit, contre les pauvres. Ces campagnes d'attaque en fait sont menées par une classe politique ou une bourgeoisie, voilà. Il est temps de réhabiliter ce terme et tous ceux qui bâtissent des fortunes sur leur dos, quoi. Voilà. Merci. Tristan, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, j'espère que voilà, que parmi les auditeurs vous serez nombreux à nous rejoindre jeudi à partir de 18h et puis à 21h30 pour la projection de Merci Patron. Venez, ça va être sympa. On a vraiment besoin de faire corps, qu'il y ait toutes les énergies. Et on peut... il y a une alternative. Il faut passer les autres jours aussi, le vendredi, le samedi. Ben, et puis y rester. Ouais, y rester, bien. Revenir. Voilà. Gardons espoir. J'incite vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent vous rejoindre le 31 mars et dont j'espère en faire partie aussi également, parce que c'est vrai que je commence à vomir en fait le système économique et politique dans lequel on vit, où je vis très mal. Je suis au RSA, je suis mal logé, j'ai eu des problèmes de domicile des fois où j'ai dû ouvrir des squats ou des trucs comme ça pour pouvoir dormir quelque part. J'ai un fils aussi et j'arrive pas à me retrouver. Mon avenir il est noir et j'aimerais bien qu'on se monte tous solidaires, que ce soit le monde du travail ou ceux qui sont au bord de la route ou SDF ou autre, pour pouvoir occuper et faire quelque chose de plus profond que ça. En fait. Et juste pour dire aussi qu'actuellement, on a une occasion à ne pas laisser passer, qu'il y a beaucoup de gens qui sont déter et qui ont envie de faire des choses. Et comment dire, il faut qu'on s'en donne les moyens. Moi, je pense que c'est bien de se réunir, de discuter, de faire des assemblées, d'occuper des places. Mais ensuite, il faudra passer au blocage de l'économie. Il faudra taper là où ça fait mal. Qu'ils ne vont pas lâcher comme ça. Ils ne vont pas lâcher parce qu'ils vont être convaincus par nos arguments. Ils vont lâcher parce que ça va leur coûter trop cher. Et donc... c'est ça qu'il faut faire maintenant, il faut s'organiser, on est nombreux, organisons-nous, bloquons tout Et voilà, et écoutez FPP aussi, toutes les infos sont sur FPP et 106.3 FM. Et juste pour rappeler, donc jeudi, journée de grève générale, ce sera le 31 mars. Donc à 11h, il y a une manifestation lycéenne. Donc il y a de nombreux lycées qui sont bloqués. On rappelle aussi qu'il y a eu des violences policières contre les lycéens. Donc c'est important d'être solidaire avec eux. Et du coup, à 11h, manifestation lycéenne. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur la page du Mili, mouvement interlutte indépendant qui suit les luttes dans les lycées. Et 14h, la manifestation interprofessionnelle qui sera Place d'Italie. Ok, donc c'est fini au fond près du radiateur. On se retrouve mardi prochain, 19h-20h30. Big up à tous ceux qui luttent. Tout de suite, vous retrouvez Dooboot, émission sur la diaspora noire avec Lucien. Merci Lucien. Et merci ouais, de nous avoir laissé 5 minutes en plus. Et voilà, donc gardez l'écoute, FPP 106.3 FM. Bonne soirée à vous. Surely Babylon system bound to fall.